Chapitre 10e, l'agonie d'un enfant. C'était dans le petit salon des enfants pendant une soirée d'avril. Il faisait déjà sombre, car la nuit allait prendre la place du soir. Là se trouvaient William Carlyle et Lady Isabelle. La journée avait été chaude, mais les soirées du printemps étaient encore fraîches et l'on avait fait du feu. Le charbon consumé n'avait plus de flamme et l'âtre ne comptait plus que des cendres éteintes. Madame Vine ne songeait pas à ranimer le feu. William reposait sur le sofa. Elle était assise auprès de lui. Elle avait ôté ses lunettes, car elle savait qu'elle ne pouvait être reconnue des enfants. William reposait les paupières fermées. Elle le croyait endormi. Tout à coup, il ouvrit les yeux. « Quand est-ce que je vais mourir ?» Ces paroles inattendues firent saigner le cœur de la pauvre femme. « Que dites-vous là, William ? Qui a dit que vous alliez mourir ? Oh, je le sais bien. Je le vois à l'agitation qui m'entoure. Vous avez bien entendu ce que disait Anna l'autre soir. Comment ? Oui, quand elle a apporté le thé pendant que j'étais couché sur le tapis, je ne dormais pas. Vous lui disiez, « Anna, faites attention à vos paroles, peut-être que l'enfant ne dort pas. » Je ne me rappelle guère tout cela. » Fit Isabelle à bout de ressources pour effacer l'impression que les indiscrètes paroles d'Anna avaient produites. « Elle disait que j'étais sur le bord de la tombe. Si elle a dit cela, il n'y faut pas faire attention. Nous allons vous guérir bien vite pour les beaux jours qui approchent. Madame Vine. » « Quoi, mon chéri ? À quoi bon vouloir me tromper ? Je ne suis plus un petit garçon, comme Archibald. Voyons, dites-moi, qu'est-ce que j'ai ? Rien, seulement vous n'êtes pas fort. Quand les forces vous seront revenues, vous serez aussi bien que jamais. » William secoua la tête d'un air incrédule. C'était précisément de ses enfants pour qui il est à peu près impossible de déguiser la vérité. Il était vif, pensif, observateur et avancé pour son âge. Il n'avait pas besoin de recueillir des paroles imprudentes pour deviner son mal. Il suffisait pour cela des soins qu'on lui prodiguait. Toutefois, on n'avait pas été discret auprès de lui. Il avait compris certaines allusions. Anna, d'ailleurs, n'avait pas été seule à laisser échapper des paroles trop claires et trop cruelles. Et l'enfant savait dans le fond de son cœur que la mort venait à grands pas, et il ne se trompait guère. « Alors, si je n'ai rien, pourquoi le docteur Martin n'a-t-il pas voulu vous parler devant moi aujourd'hui ? Pourquoi m'a-t-il renvoyé dans l'autre chambre pour vous dire ce qu'il pensait de moi ? Ah, Madame Vine, j'en sais autant que vous. Oui, vous savez bien des choses, mon petit ami, mais vous vous trompez quelquefois. » En disant ces mots, son cœur se déchirait. « Mourir n'est rien, quand Dieu nous aime, Lord Vane me l'a dit, lui dont le petit frère est mort. C'était un enfant maladif, qui ne pouvait pas vivre, il avait toujours été pâle et souffrant depuis son enfance. « Tiens, vous l'avez donc connu, je l'ai appris, » répondit-elle, cherchant à effacer l'aveu imprudent qu'elle venait de faire. « Mais vous, madame, vous devez savoir que je vais mourir, non ? Alors pourquoi avez-vous eu tant de chagrin depuis que nous avons quitté le docteur Martin ? Et puis pourquoi vous chagrinez pour moi ? Je ne suis point votre enfant. » Ces paroles, cette scène, accablèrent l'infortunée. Elle se mit à genoux auprès du sofa et ses pleurs s'échappèrent librement. « Tenez, voyez-vous ? » s'écria William. « Oh, William, j'avais un petit garçon à moi autrefois, et quand je vous regarde, je pense à lui. Voilà pourquoi je pleure. » « Je sais cela, vous nous l'avez déjà dit. Il s'appelait William, comme moi. » Elle se pencha sur son visage, mêlant son haleine à la sienne. « William, savez-vous que ceux que le bon Dieu aime le plus sont ceux qu'il rappelle à lui les premiers ? Si vous mouriez, vous iriez au ciel, laissant derrière vous les soucis et les chagrins de ce monde. J'en connais beaucoup pour qui mieux aurait valu mourir dès leur enfance. Cela aurait-il mieux valu pour vous-même ? Oui, murmura-t-elle d'une voix brisée. J'ai ma bonne part de douleur. Quelquefois, il me semble que je ne puis plus souffrir davantage. Est-ce que vos chagrins ne sont pas passés ? Est-ce que vous en avez encore ? J'en ai toujours. J'en aurai jusqu'à mon dernier soupir. Ah, si j'avais pu mourir enfant, j'aurais échappé à tant de maux. Le monde, mon cher William, en est plein, le monde en est rempli. De quoi ? De chagrin ? De maux de toute espèce, douleur, maladie, soucis, chagrin, péché, remords, ennui, dégoût. Je ne vous cite pas la moitié des misères de la vie. William, quand vous êtes très fatigué, ne trouvez-vous pas que c'est un bonheur, que c'est un charme de vous coucher dans votre petit lit pour y goûter les délices du sommeil ? Oui, c'est vrai. Et je me sens souvent fatigué, fatigué comme vous dites. Eh bien, nous autres, nous sommes pareillement fatigués des peines de ce monde, et nous aspirons à la tombe, parce que l'on s'y repose de toutes ces souffrances. Nous l'appelons de nos vœux, de nos prières, du fond de notre âme, mais vous ne pouvez pas comprendre tout cela. Nous ne sommes pas enfermés dans la tombe, Madame Vine. Non, non, mon enfant, on y dépose notre corps pour y attendre qu'il ressuscite mille fois plus beau au dernier jour. mais nous allons dans un lieu de paix et de bonheur, où n'arrivent jamais le chagrin et la douleur. Oh, je voudrais y être moi-même avec vous, mon enfant. Vous croyez que le monde est plein de peine, madame Byrne? Mais moi, je trouve le monde si beau, si gai, surtout quand il fait du soleil, qu'il fait chaud et que les papillons voltigent. Oh, quand vous verrez Eastline un matin d'été, quand vous pourrez courir sur la grande pelouse, quand vous verrez les feuilles des arbres, le bleu du ciel, les roses et les fleurs, vous ne direz plus que le monde est triste. Oui, le monde pourrait plaire, on pourrait le regretter, mais on y est dévoré par la douleur et le chagrin. Il y a des gens qui ont peur de la mort, c'est qu'ils craignent de ne pas aller au ciel. Mais quand le bon Dieu rappelle à lui un de ses petits-enfants, c'est parce qu'il l'aime. Le ciel, mon enfant, c'est un paradis, où les roses n'ont pas d'épines, et où les fleurs poussent sans ronces et sans orties. J'ai vu ces fleurs du ciel, interrompit William, qui se soulevait dans son ardeur. Elles sont 100 fois plus belles que celles du jardin. Vous les avez vues, les fleurs du ciel? Je les ai vues en peinture. Nous sommes allés à Lyneborough voir le tableau du jugement dernier par Martin. Je ne veux pas dire le docteur Martin. Je vous comprends. Il y avait 3 grands tableaux. L'un s'appelait les plaines du ciel. C'est celui que j'aime le mieux. Et tout le monde aussi. Oh, si vous l'aviez vu. L'avez-vous vu, madame? Non, mais on m'en a parlé. Il y avait une rivière, voyez-vous, et des bateaux. C'était comme de belles gondoles. On y transportait les bienheureux vers les rivages du ciel. C'étaient des figures légères, en robes blanches, par milliers et par millions. Ils s'élevaient en l'air jusqu'auprès de la cité sainte. La cité, soutenue par les nuages, semblait descendre de Dieu. Ils poussaient des fleurs sur les bords de la rivière. Il y en avait de roses, de bleues et de violettes. On y voyait toutes les couleurs, mais bien plus vives. Bien plus belles que nos fleurs les plus belles. Qui vous a mené voir ces tableaux? C'est papa. Il m'y a mené avec Lucie. Madame Hare est venue avec nous et Barbara aussi. Alors elle n'était pas encore notre maman. Eh bien, madame, baissant la voix, vous ne devineriez jamais la seule demande que fit Lucie à papa. Quelle demande? Elle lui demanda si maman était dans la foule des robes blanches, si elle était montée au ciel. Nous étions alors en face du tableau et des milliers de gens ont pu l'entendre. Isabelle se cacha le visage de ses mains. Et que répondit votre père? Je n'en sais rien. Je crois qu'il n'a rien répondu. Il cause avec Barbara. Mais c'était bien sot de la part de Lucie, parce que Wilson lui a répété 1000 fois qu'il ne faut jamais parler de Lady Isabelle à papa. Pourquoi ne faut-il pas parler de Lady Isabelle à votre père? Ces mots sortaient à peine de ses lèvres qu'elle s'étonna de les avoir laissés échapper. Je vais vous le dire, murmura William à voix basse. Elle s'est sauvée de chez papa. Lucie croit sottement qu'on l'a emportée malgré elle, mais elle n'en sait rien. Elle sera peut-être un jour au rang des bienheureux, William, et vous avec elle. L'enfant retomba fatigué sur le coussin du sofa et s'y reposa sans répondre. Lady Isabelle, le front caché, se taisait aussi. Mais bientôt elle fut alarmée par les pleurs et les sanglots de l'enfant. « Oh, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas m'en aller laisser papa et Lucie. » Elle le couvrait de son corps, l'entourait de ses bras. Leurs larmes et leurs sanglots se mêlaient ensemble. Elle lui disait de ces mots qui calment, qui caressent l'âme. Elle le tenait de manière qu'il pût sans effort verser ses sanglots dans son propre sein. Au bout de quelques instants, le paroxysme était passé. « Écoutez donc, s'écria William, qu'est-ce que cela ?» On entendait le bruit confus des rires et de la conversation. C'était Carlyle, Lord Mountsevern et son fils qui sortaient de la salle à manger et passaient par le salon. Ils avaient je ne sais quelle séance à tenir à Westline et ils s'en allaient dans cette intention. Comme la porte se refermait sur eux, Barbara entra dans le petit salon. L'institutrice eut bientôt fait de se lever, de mettre ses lunettes et de s'asseoir tranquillement sur une chaise. « Pas de lumière, pas de feu ?» s'écria Barbara en s'empressant de ranimer le feu et de le faire flamber. « Qui donc est sur ce sofa ?»« William, vous devriez être au lit. »« Pas encore, mère, je ne veux pas encore me coucher. »« Mais il en est bien temps, » répondit-elle en sonnant. « Veiller ainsi n'est pas le moyen de reprendre des forces. » On renvoya donc William, et alors Madame Byrne eut à rendre compte de ce que le docteur avait dit. Il avait déclaré que les poumons étaient certainement attaqués, mais selon l'usage de tous ses confrères, il ne voulut pas formuler d'opinion. Madame Carlyle la regarda. La flamme du foyer se jouait sur son visage et surtout sur ses lunettes. Elle recula sa chaise pour être dans l'ombre. « Le docteur Martin le reverra la semaine prochaine. Il doit venir à Westline. Je suis sûr, par le ton de sa voix, par ses réponses évasives, qu'il n'espère plus rien, quoiqu'il ne me l'ait pas dit verbalement. » « Je mènerai William à Westline moi-même, » fit Barbara. « Le docteur me révélera la vérité, sans aucun doute. Je suis venu ici pour vous payer ma dette, » ajouta-t-elle, en lui offrant le billet de 5 livres. Lady Isabelle tendit machinalement la main pour le recevoir. « Pendant que nous en sommes sur les questions d'argent, » continua Barbara, « permettez-moi de vous dire que M. Carlyle et moi, nous vous blâmons beaucoup de faire des présents aux enfants. Je calculais en nombre rond le prix des jouets que vous leur avez achetés, et j'ai trouvé que cela représentait presque vos honoraires. Je vous prie donc, Madame Byne, de ne plus faire de telles dépenses. « Pour qui dépenserais-je mes appointements? J'aime ces enfants, d'ailleurs, » répondit-elle avec un peu de vivacité, jalouse qu'elle était de voir Barbara se mêler de ses rapports avec les enfants qui lui étaient confiés. « Dépensez-les pour vous-même, sinon placez votre argent. Veuillez profiter de mes avis, Madame Byne. Je serai obligée de mettre un terme à vos générosités d'une façon péremptoire. Vous êtes très bonne, vous vous sacrifiez même, mais si vous vous oubliez, nous devons penser pour vous. » Je ferai moins d'emplettes à l'avenir. Cependant, il faut bien que je leur donne de temps à autre un petit gage de mon amitié. Rien de mieux. Un petit gage et une fois en passant. Mais n'achetez plus de jouets si chers. Avez-vous jamais eu quelque liaison avec Sir Francis Levison? Continua Barbara sans autre transition. Le cœur de l'institutrice tressaillit, ses joues rougirent, le remords l'étouffa, et elle répondit d'une voix éteinte. Non, madame. Je m'étais imaginé à vous voir, quand je vous parlais de lui l'autre jour, que vous le connaissiez ou que vous l'aviez connu. Ainsi donc, il vous est étranger? Oui, madame. Barbara fit une pause. Croyez-vous à la fatalité, madame Byne? Oui, sans doute, j'y crois. Eh bien, moi, je n'y crois pas, continua Barbara. Non, je n'y crois pas, répéta-t-elle d'une voix assurée en s'approchant du sofa que venait d'abandonner William. Elle s'assit, se plaçant ainsi en face et près de madame Byne. Avez-vous jamais su que ce Francis Levison a causé le malheur de cette maison? Le malheur? Bégaya madame Byne. Oui, c'est lui, reprit-elle, prenant l'hésitation de l'institutrice pour une preuve de son ignorance des événements passés. C'est lui qui a enlevé Lady Isabelle à ses devoirs, à sa maison, quoique lui peut-être autant de penchant à la suivre que lui à l'enlever. J'ignore. Oh non, non, s'écria madame Byne, dans un moment d'oubli. Du moins, il me semble que non. C'est ce qu'on ne saura jamais. Et qu'importe, après tout, ce qui est certain, c'est qu'elle s'en est allée. Ce qui ne l'est pas moins, c'est qu'elle ne s'en est pas allée malgré elle. Savez-vous l'affaire en détail? Moi, non. Elle voulait dire oui, mais il lui aurait fallu peut-être dire de qui elle tenait ces détails. Eh bien, il était à Eastline. Il arrivait du continent, où la loi l'avait relégué. Il n'osait plus reparaître en Angleterre. M. Carlyle eut la générosité de l'inviter à Eastline, lieu où ses créanciers ne le soupçonneraient pas pendant que l'on arrangerait ses affaires. Il était lié à la famille de Lady Isabelle. Pour reconnaître l'hospitalité de M. Carlyle, l'hôte sans foi enleva l'épouse infidèle. Pourquoi M. Carlyle fit-il cette invitation? C'était un cri arraché par le remords. Barbara, le prenant pour une question qui lui était adressée, se dressa de toute sa hauteur et lui dit « Vous me demandez pourquoi cette invitation? Vous ai-je bien entendu, Madame Byne? M. Carlyle savait-il que Levison était un réprouvé? Et quand il l'aurait su, est-ce que Lady Isabelle n'était pas sa femme? Pouvait-il craindre une trahison de la part d'une épouse? S'il plaisait à M. Carlyle de remplir demain Eastline de scélérats, qu'est-ce que cela me ferait à moi, à ma sécurité, à mon bien-être, à mon amour et à mes devoirs d'épouse? À quoi pensez-vous, madame? À quoi pensait l'infortunée? » Elle appuya sa tête brûlée sur ses mains tremblantes. Barbara reprit. Tout à l'heure, je me trouvais seule dans le salon. Je repassais les événements d'autrefois et j'y trouvais, à vrai dire, des indices de ce qu'on appelle fatalité. Ainsi, cet homme qui a causé le malheur, la honte de cette maison, c'est le même, j'ai tout lieu de le croire, qui a enveloppé ma famille d'une honte et de chagrin semblables. Savez-vous? Et ici, elle baissa la voix. Savez-vous que j'ai un frère qui vit dans l'exil, dans la honte? Lady Isabelle n'osa pas dire oui. Qui donc aurait pu l'informer, elle, l'institutrice étrangère, des aventures de Richard Hare? Oui, la honte, suivant le langage du monde, poursuivit Barbara qui s'animait. Mais cette honte que subit Richard, c'est Levison qui l'inflige. Tenez, je vais, si vous le voulez bien, vous conter ce triste épisode. Isabelle, tout en se demandant ce que Francis Levison pouvait avoir de commun avec Richard Hare, se mit en devoir d'écouter. Et alors Barbara lui raconta la longue et lamentable histoire de son frère, entrant dans les moindres détails, donnant tous les renseignements possibles, parlant de ses nombreux rendez-vous avec Carlyle au sujet de Richard, et apprenant finalement à l'institutrice que Richard était innocent, que l'assassin de Hallie John, le prétendu Thorne, n'était autre, selon elle, que Sir Francis Levison. Lady Isabelle avait écouté, les lèvres entr'ouvertes, en silence et avec une profonde attention. Mais du moment où Barbara vint accuser Levison du meurtre de Hallie John, Elle se redressa vivement, l'œil en feu et le cœur palpitant. « C'est impossible !» cria-t-elle avec horreur. « Cet homme, ce Levison, ne peut être un assassin !»« Ah ! J'en ai maintenant la conviction !» répéta Barbara avec enthousiasme. « Je n'en puis plus douter !»« Je l'ai reconnu !» lorsqu'il haranguait effrontément le peuple. « Cela me paraît impossible !» répéta Isabelle. « Je le comprends !» interjeta Barbara. « Mais notez que j'ai fait part de mes soupçons à Carlyle et que lui-même, à son tour, m'a révélé tout à l'heure que ce Francis Levison avait été reconnu cet après-midi par deux individus qui assurent qu'il n'est autre que Thorne, le poursuivant de Hallijohn. » Lady Isabelle se contenta de regarder Madame Carlyle. Elle n'était pas convaincue. « Oui, tout cela me semble horrible, » continua Barbara. « Oui, c'est lui, l'assassin de Hallijohn. Lui, l'infâme. Il a commis le crime et Richard en porte la honte. » Quand mon frère le rencontra ce soir, que vous savez, dans la rue Léaubeuf, il se glissait dans West Line pour y prendre la voiture dans laquelle s'enfuirent lui et sa compagne. Mon père les vit sur la route. Mon père entrait tard et à son retour, il vit passer comme un éclair une chaise de poste à quatre chevaux. Il arrivait à ce moment à la grille de la maison. Encore, si cette misérable Lady Isabelle avait pu savoir quel homme est s'abandonner, un assassin, sans parler de ses autres vices. « C'est un bonheur pour elle qu'elle soit morte, qu'elle ne saurait pas aujourd'hui sa honte et ses remords. » Que devait réellement penser Isabelle en entendant ces révélations? Un assassin, et c'est lui qu'elle avait. Elle eut beau faire, en dépit de ses efforts, la pâleur de la mort envahit ses joues et son front, et de ses lèvres s'échappa un cri confus d'horreur et de désespoir. Madame Carlyle en fut étonnée. Pourquoi Madame Vine montrait-elle tant d'émotion à propos de ce récit? Elle connaissait Francis Levison plus qu'elle n'en convenait. Voilà le soupçon que le cri de l'institutrice ne fit qu'augmenter dans la pensée de Barbara. « Madame Vine, est-ce que Levison vous touche en quoi que ce soit ?» Madame Vine, recueillant son courage et son sang-froid, lui dit en frissonnant. « Pardon, Madame Carlyle, votre récit est si saisissant, et comme vous le dites, ce Levison est un monstre horrible. Il ne vous est rien du tout, vous ne le connaissez nullement. Il ne m'est rien. Il est pour moi moins que rien. Quant à le connaître, je l'ai vu hier, lorsqu'on l'a jeté dans cette mare. Un pareil homme, je frémirais à sa rencontre. « Vous comprenez, madame, ajouta Barbara, que je vous ai raconté cette histoire en confidence. Je vous regarde comme faisant partie de la famille. » Isabelle ne répondit rien. Elle était là sans bouger, les joues pâles. On eût dit que c'était un cadavre assis. « Tout cela ressemble à un épisode de roman, reprit madame Carlyle. Heureux si ce roman ne finit pas pour lui par le gibet. Mais songez-y donc, madame, Sir Francis Levison pendu comme un assassin. « Barbara, ma chère amie !» C'était la voix de Carlyle. Barbara se précipita au-devant de lui avec les ailes de l'amour. Elle vola auprès de cet époux qu'elle idolâtrait. Abandonnant à ses cuisants remords la femme qui avait autrefois, elle aussi, été l'idole de ce mari. L'infortunée Isabelle se jeta sur le sofa. Dans sa poignante douleur, elle levait les mains vers le ciel. Elle crut qu'elle allait s'évanouir. Elle appela la mort. Elle était saisie d'horreur, car elle voyait sur les mains et sur l'âme de celui qu'elle avait préféré à Carlyle une tache ineffaçable, une tache de sang. Si jamais le châtiment vengeur frappa la femme coupable, cette femme-là, à coup sûr, fut Lady Isabelle.